une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Indila. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine entre 20 et 21 et on est content de la retrouver. Après avoir débuté l'année 2014 avec toi, c'était au mois de février 2014. Exactement. Tu viens un petit peu conclure cette année qui a été une année magique. Oui, ça a été une année... Franchement, je pense que le terme est parfait. Ça a été vraiment magique, une année merveilleuse, remplie de surprises. Voilà, j'ai le sourire gros comme le monde. Je vois. Le mini world s'est agrandi. Maintenant, ça va être big world. Hein. Mais tu sais, justement, en parlant de ça, on dit que le succès grandit, etc. Mais moi, j'ai l'impression d'être toujours la même. Je mesure toujours mais 1m60. J'ai pas pris de centimètres. Donc non, je pense non, mais dans tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as vu, tout ce que t'as pu prendre. Oui. Il y a des choses qui ont changé. Absolument. Au quotidien. Absolument. Maintenant, plus compliqué de marcher dans la rue. Ça c'est juste plus compliqué, mais pas plus désagréable. Ouais. Oui. Oh, Indila. C'est vrai que c'est très nouveau. Alors avant d'en arriver là, comme j'ai déjà travaillé en studio, notamment avec Skalpovic. Qu'on salue, qui est là, Skal. Mais oui. Hello. Monsieur Skalpovic est là parmi nous dans ça le studio. Ça va? Super, oui, parce que c'est un album en commun que vous avez fait ensemble. Donc, exactement, hein, du début à la fin. Du début à la fin. Et jusqu'à la réédition. D'ailleurs. Et jusqu'à la réédition, puisque dans 15 jours sortira une réédition. Alors, elle va s'appeler comment? Mini World Réédition? Mini World Réédition. Mini World Plus. V1.2. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, on a voilà, quelques petites surprises dedans et j'espère que ça plaira aux Dreamers. Bon, alors attends, je me retourne vers le producteur. On va faire les comptes. Au mois de février, vous étiez venu, l'album était à peine sorti ou sortait d'ailleurs, il allait sortir. Exactement. Depuis, en l'espace de quelques mois, c'est quoi, 500 000 albums vendus, Scalp? Je ne me trompe pas sur les chiffres. C'est quoi, je suis pas proche des chiffres, mais je crois que ouais, on avoisine les 500 000 et si je me trompe pas avec les ventes inter, si tu additionnes tout, t'es un peu t'es loin. Plus de 600 000. t'es très loin. Mais honnêtement, est-ce que vous attendiez autant? Parce que c'est vrai qu'on parle du temps. T'es jamais prêt en fait. Même si tu places ton ambition à un certain niveau et que tu commences à voir que ton clip tourne, enfin que les choses vont de plus en plus vite, tu t'es jamais prêt pour ce genre de choses. Mmh. C'est énormissime. T'as des gens qui reviennent de vacances qui te disent que voilà, les titres tournent en boucle à l'étranger. Oui, il y a eu des gros trucs, c'est quoi, Grèce, Turquie, non? C'est Turquie, Pologne, en Europe. Pologne, ouais. Liban, Roumanie, et puis d'autres encore, Roumanie, non? C'est extraordinaire. Ouais. Et on a eu l'occasion d'aller rencontrer un petit peu le public à l'étranger, c'est. Oh là c'est... Là. Et puis il faut rappeler, oui, que comme tu chantes en français, c'est quand même assez rare d'avoir un carton comme ça. Oui. Il n'y en a pas énormément. Il y a eu Stromae l'an dernier, il y a toi cette année. Non, c'est génial. Il y a même des ambassadeurs de pays étrangers qui représentent la France et qui viennent lors de nos showcases pour nous remercier et me dire directement merci de faire la publicité de la langue française et de donner une image comme ça de la France qui sont ravis. Alors forcément, moi, ça me fait énormément plaisir. Bon, on va revenir sur l'aventure de Mini World ce soir. Après, on passera aussi, on parlera un petit peu de l'avenir durant cette semaine avec toi. Très bien. Entre 20 et 21. Puis on a tenté de résumer Indila en 3 minutes. On a fait... Petit medley, tu vas nous dire ce que t'en penses. Avec plaisir. Medley d'Indila tout de suite pour débuter le Planète Rap. J'ai commencé, voilà, à travers Skyrock, donc je suis assez touchée. Ça veut dire beaucoup. Salut, c'est Indila dans Planète Rap. Planète Rap, Indila. Planète Rap. rock. Planet Rock. Planet Rap. Voilà pour ce medley. Waouh! On s'est replongé dans Mini World. Alors, avec une petite exception, il y avait Dreamin aussi qu'on a mis pour le kiff. Pour le kiff. Mais merci vraiment pour ce beau cadeau. Je sais pas qui est derrière tout ça, mais il a toute ma reconnaissance Dams. Parce que vraiment ça m'a énormément touché. Il est dans c'est le coin. Qui c'est Dams? Mais il est dans le coin, merci, il est il se balade. Merci Dams. Peut-être qu'il prépare l'entends. Un autre medley déjà d'entrée. Eh hey, Dams, faut préparer le mien. Hein. Juste pour moi. Attends, pour mais toi aussi, ah oui. Hein alors là, faudra prévoir 30 minutes, pas 3 minutes hein pour ce cadeau avec tout ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, voilà, Mini World, l'aventure continue, j'ai envie de dire, parce que, non, en effet, dans 15 jours, il y a une réédition qui sort. On pourra trouver des titres inédits dessus. C'est ça, des titres inédits qu'on a fait avec Skalpovic, encore une fois, hein, puisque, voilà, on est un binôme musical, qu'on protège énormément parce qu'on adore faire de la musique ensemble et qu'on voit les choses de la même manière. Donc la réédition, c'est toujours le même état d'esprit. On avance, on rêve et on invite tous les dreamers à écouter ces deux nouveaux titres qui j'espère vraiment leur plairont. Et bah allez-y les dreamers, balancez des messages pour Indila avec le hashtag Indila sur Skyrock. Les images sont dispo sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock. C'est aujourd'hui la rentrée aussi pour pas mal d'entre vous. Il y en a plein qui rentrent, qui sont rentrés aujourd'hui. Tu te souviens de tes rentrées toi ou pas Indila? Oh là là. Quand t'étais au Bahut? Bien sûr. Alors moi j'avais un coup de blues à chaque fois quand c'était la vraie rentrée donc du début d'année à chaque fois. Septembre, ouais. Ouais, c'est l'automne avec la pluie, le vent, etc. C'est quelque chose de catastrophique. C'est vraiment le souvenir que j'ai moi des rentrées. Mais toi t'étais une bonne élève quand même, dis là. Pas tant que ça. J'étais studieuse, un peu sage, voilà. J'essayais. Ce qui n'était pas le cas de Scalp pour le coup, tu vois. Direct. Non, moi je kiffais la rentrée. Hein. C'était le moyen de flamber avec sa nouvelle tenue. Qui allait durer très très longtemps en fait. Qui allait durer jusqu'au beau mois aux prochaines vacances, mais un an après. La nouvelle coupe, les nouvelles baskets, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Bon, bah, bienvenue à vous tous. Si vous êtes rentrés aujourd'hui, dites-nous 41-759. En tout cas, pour bien décompresser ce soir, il y a Indila toute la semaine avec Mini World. Alors, on se replonge sur l'album. Est-ce qu'on mettrait pas un petit dernière danse? Allez, oui, commençons par le commencement. Avec notre version avec Black M, puisque tu nous as fait une version exclusive avec Black M. Tout à fait, Black M que je salue, que je remercie. Qui est en tournée, qui fait un véritable carton, hein, Black M. Ah oui, qui cartonne tout et à qui on souhaite une magnifique et longue route. Voilà, une longue route pour Black M en tournée avec Skyrock. Il y aura des places à choper, d'ailleurs, tout à l'heure, à faire tourner dans la roulette. Inscrivez-vous, 41-759. Et dernière danse, Indila et Black M. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Dans ma putain de tirelire, oh, unique et c'est pour ça que je t'aime. Et même si t'avais une sœur jumelle, moi, je suis bien dans ma douce souffrance. Je la supporte depuis ma plus jeune enfance. À la recherche d'un brin d'espoir. Oui, je sais, je suis perché, la famille laisse-moi. Je vis à des années-lumière, mais je suis dans le noir. Parce que la lumière me rappelle que je suis dans mon pire cauchemar. C'est Indila avec nous toute la semaine. Mini World qui ressort le 17 novembre avec des... Est-ce qu'on a, d'ailleurs on pourra découvrir au moins un titre inédit cette semaine? On l'espère. C'est possible, ou c'est... en tout cas un aperçu, je sais pas. Ça peut se négocier. Oui, ça peut se négocier. Négocions toujours. Bah oui. Négocions. Très bien qu'il y a... on vient jamais les poches vides. Donc bon, est-ce qu'on peut connaître au moins le titre des deux des morceaux? Bien sûr, bien sûr. Alors, le premier morceau s'appelle Feuille d'automne. Feuille d'automne. Voilà. De saison. Absolument. Ouais. Voilà. On est dedans. Ouais. Et puis la deuxième chanson s'appelle Ainsi bat la vida. Ainsi bat la vida. C'est ça. Ainsi bat la vida. Donc il y a un petit jeu de mots. C'est voulu. Hein. C'est pas une erreur. Mais voilà, les gens écouteront. Les gens écouteront. Donc 17 novembre, sortie de la réédition. Et puis en attendant, il y a toujours cet album Midi World qu'on va continuer. On va se replonger dedans toute la semaine entre 20 et 21. D'ailleurs, tiens, quand t'écoutes le morceau Dernière Danse, c'est quoi? T'as quoi en tête? Le premier truc qui te vient, c'est le clip, c'est l'enregistrement studio, c'est ce que ça, ce que ça a démarré pour l'album, parce que c'était aussi le début de l'aventure, Dernière Danse. Ouais, ouais, c'est vraiment tous ces beaux souvenirs à la fois, et c'est ce moment magique où Scalp, je voudrais en parler, et on était en studio, on composait la chanson Dernière Danse, donc moi j'avais déjà écrit les paroles et je m'essayais à la mélodie. Et Scalp, en fait, à ce moment-là, en finissant de produire le titre Dernière Danse, a eu une révélation soudaine. Et il est arrivé de l'autre pièce du studio, un peu comme un savant fou. Il manquait plus que les cheveux, comme ça, en pétard. Il a eu une révélation sur le titre. Et il nous a dit, à mon manager et moi-même, oh, je sais, voilà comment on va faire au niveau de la production. Voilà ce que je vais apporter au niveau du beat, etc. Et ça, c'était juste magique, parce qu'on l'a regardé un peu comme s'il racontait n'importe quoi. Mmh. Et très très vite, en nous faisant une démonstration musicale spontanée, on a très vite compris que non, il était loin d'être fou, au contraire. C'était quoi la révélation, Scalp? Non, bah écoute, hein, à la base, on avait composé le Dernière Danse sur un support qui était celui qu'on entend là, sans les arrangements un peu plus modernes. Donc c'était très orchestral, très épuré, et ça le faisait. Hein, on était déjà conquis par le track. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti une petite décharge sur mon clavier. J'ai pris un petit un coup de jus, 12 volts qui m'a tous les cheveux, on comprend. Exactement. Et puis écoute, il m'est venu à l'idée d'introduire un beat, mais à un certain moment du morceau et non pas au début. Au début, hein. Et pour moi, voilà, c'était assez atypique, et ça nous a tous levé, quoi. On était convaincus que c'était la voie à emprunter. Ça donnait, je dirais, même encore plus de sens au côté non standardisé du clip, du titre de la chanson. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu les images, t'as raison de le préciser aussi, parce qu'il y a le clip aussi qui était quelque chose pas forcément de standard, quoi. C'était un truc particulier. C'est ça, carrément. C'est ça. C'était vraiment un pari fou. Et je crois qu'à ce moment-là, rien ne pouvait nous arrêter. Moi, j'avais vraiment mes idées. J'ai foncé tête la première. Et ben, le travail a payé. Je le disais, 600 000 albums vendus. Enfin, voilà, quand on compte l'Europe, le monde entier pour cet album. On n'a pas compté le marché de la piraterie, mais on a un lion là. Et c'est surtout 650 000 dreamers. Moi, c'est ça que je dis. C'est comme ça. Je compte pas en album. Je compte en dreamers. 650 000 personnes qui adhèrent au Mini World. Et ça va même au-delà, puisque même toutes les personnes qui n'achètent pas, bien entendu, l'album sont les bienvenues et font partie du Mini World, bien sûr. Mini World d'Indila qu'on redécouvre cette semaine entre 20 et 21 en attendant la réédition le 17 novembre. Tu vas faire un petit jeu, Indila. Ah. Un petit vrai ou faux. Tout ce qu'on lit sur le net, tu vas me dire si c'est vrai ou faux. Ouh là là là. Il y a tout et n'importe quoi. Donc par exemple, premier truc qu'on a pu lire sur le net, il paraît que depuis la sortie de l'album Mini World, tu ne veux plus faire de feat avec des rappeurs. Depuis la sortie. Ah ouais. Non, pas du tout. Alors pas du tout, parce que. Donc ça c'est faux. Ça c'est absolument faux. Vous le verrez d'ailleurs dans un avenir proche ou lointain. Mais vous verrez très vite que ce n'est pas vrai du tout. Avec qui? Et justement, oui, gardons le suspense. Quelqu'un qu'on connaît bien? Quelqu'un que vous connaissez tout court. Mais quelqu'un en qui je crois beaucoup, et voilà, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Tu veux rien dire de plus? Ah non, mais Scalp. Oui, sinon c'est pas... Ah non, non, non. mais moi je suis pas au courant. Exactement. J'étais pas là. Je suis pas responsable. Ok, bon, vrai ou faux, vu sur le net, ton prochain album est déjà commencé? Absolument vrai. Donc absolument c'est vrai. Vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai. Cela dit, je mets quand même une réserve, puisque je peux mettre parfois beaucoup de temps, moi, à faire la musique, donc ce n'est pas dit qu'il se finisse. Donc ça a commencé. Absolument. Par contre, ça a commencé. T'as le titre en tête déjà de l'album, ou c'est trop tôt? C'est trop prématuré. D'accord. Vrai ou faux sur le net, les ventes de ton album t'ont déçu, tu voulais en vendre 1 million. C'est faux. Non, c'est faux. C'est au contraire. J'ai surtout été. Moi, je suis tombée de ma chaise hein, quand j'ai vu l'évolution. De Mini World, c'est magnifique. Au contraire. Donc pas loin d'être déçu en même temps. Non, du tout. Au contraire. On disait 600 000 albums, c'est vu l'étendue du disque actuel. C'est merveilleux. Un scalp, c'est pas mal. Je te confirme. Et là, on est vraiment dans le bonus quand. Bon, vrai ou faux, run sur la chanson officielle du prochain marathon de Paris, bon. Le 12 avril, bon, elle était facile, celle-ci. Ouais, elle était facile. Qui sait ? Rendez-vous le 12 avril. Ok, on s'appelle. Enfin, vrai ou faux, vu sur le net, tu as mal vécu le succès ? Non, c'est faux. Non, c'est faux. J'appréhendais énormément, ça c'est juste. Mmh. Oui, mais par contre, non, moi je suis sur une plage de surf, là, sur une planche de surf. C'est quoi les trucs d'ailleurs quand tu penses à tout ça, au succès, machin, les images qui te viennent en tête, c'est quoi ? C'est plus des rencontres ? C'est des rencontres. C'est vraiment, c'est des rencontres. C'est incroyable. Il y a vraiment quand même du changement dans la mesure où, à l'époque par exemple, quand je composais un titre et que je partais en parler à Scalp pour qu'on le fasse ensemble, je me souviens que ce que je recherchais avant tout, c'était de m'auto-surprendre uniquement. Vous savez, quand on est artiste, on a une part d'égoïsme comme ça, un peu bizarre. Et avec le temps, aujourd'hui, en ayant rencontré toutes ces personnes, je me suis rendu compte, à travers ces deux inédits notamment, ces deux titres inédits, pour la réédition, que ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était plus seulement de m'auto-surprendre, mais de nous surprendre. Et quand je dis nous, je parle des dreamers aussi. Donc c'est vraiment une aventure commune. Je reste dedans. Il faut aussi que ça me plaise et que ça me surprenne, mais je pense en commun. Donc c'est nouveau pour moi et c'est super. Et est-ce que d'ailleurs pour les Dreamers il va y avoir une tournée, Indila ? Il va y en avoir une. Et je la prépare, pas de fourmi, mais je la prépare. Mmh. Donc si. Comme l'album, hein, si en même temps si tu fais l'album, tu vas avoir la tournée dans 10 ans. Je me le souhaite pas. Non, bien sûr, il va y en avoir une. Non, mais si, c'est si. Quoi ? C'est une appréhension la scène ? C'est non. À ce moment... Au départ, ça en était une. Parce que je connaissais pas trop, donc forcément l'inconnu ça fait toujours un peu peur. Mais aujourd'hui je peux dire que ça va. J'appréhende beaucoup moins la scène. Au contraire, je pense que je commence même un peu mieux à trouver mes marques. On verra encore comment ce sera demain. Quoi, plus 2015 tournée. Courant 2015. Peut-être 2016. Comme 2015. Johnny, on a annoncé des dates 2 heures avant. Ah oui. Non, mais ça devrait voir le jour. Ouais. Incessamment sous peu, là, on annoncera des choses. Voilà, dès que ce sera de plus en plus sûr et à suivre. Absolument. Bon, on met un morceau, on met un peu de pub dans un instant. On se replonge sur l'album Tourner dans le vide. C'était un des gros cartons de l'album, celui-ci. Oui, Tourner dans le vide. Avec des petits bruits aussi que tu avais été chercher pendant l'enregistrement. Et que tu te rappelles. Que vous m'aviez expliqué qu'il y avait des petits trucs, des jouets. C'est ça. Et tu l'avais baptisé autrement, toi, c'était Tourner dans le. Tu te souviens ? C'est la version turque. C'était la version turque. Mais tu vois, ça t'a porté chance puisque t'avais un carton en Turquie. Exactement. Allez, on l'écoute maintenant, Tourner dans le vide. Sur Skyrock, c'est extrait de l'album d'Indila Mini World. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains toutes abîmées, taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez ? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça, seul je crie son nom. Je n'ose pas, lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, vide, vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Oh non, ne riez pas, vous qui ne connaissez pas. tournée dans le vide à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Ça aussi, c'était une belle aventure, ce morceau. Ah oui. Il y a le souvenir. Allez hop, oui. Premier souvenir sur ce morceau, tournée dans le vide. Alors, je sais pas, peut-être. C'est les petits jouets de Scalp. Oui, souvent, mais il a des trucs improbables dans le studio. il met pas toujours Scalp. Ah oui. Et sans parler de son. Il a un jouet, un espèce de piano pour enfants rouge comme ça que j'adore, que j'ai envie de lui piquer, mais j'arrive pas. Qui est pareil aussi, qui est vraiment super. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs très originaux. C'est quoi, ah ouais, ce petit piano? Moi je suis fan d'instruments de musique, enfin vraiment quoi. Les petits instruments pour enfants, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui renvoie tout de suite à des souvenirs, plein de choses. Donc au départ, Indila voulait un truc, enfin une boucle qui tournait, voilà, sous forme de ritournelle, et j'ai pensé directement à ça, quoi. Une petite boîte à musique. Il n'y a rien de plus efficace pour renvoyer des souvenirs lointains, des émotions, enfin voilà. Et c'est vrai que dans l'album, je me suis fait un petit peu plaisir. Comme je me suis acheté après, je suis rentré un petit peu dans le système des instruments pour enfants. Donc je me suis retrouvé dans des jouets clubs à chercher des petites guitares pour enfants. Un mec bizarre qui arrive avec un anorak. Et ça ramène quelque chose. Les jouets pour enfants. Exactement. C'est bien passé, Scalp. Pas de garde à vue, rien. Donc, non. Ah non, du tout. J'étais bien accompagné. Et la prochaine album, c'est quoi? Tu vas rester dans les jouets pour enfants ou il y a d'autres idées? Écoute, il y a toujours des idées, mais pourquoi pas? Pourquoi mais on n'anticipe pas, hein. Nous, on se surprend. Hein, c'est vraiment Power la règle Ranger, de base. Oui. Je sais pas. Ouais. Qui sait? À suivre. En tout cas, le 17 novembre, il y a la réédition de l'album Mini World qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Titre inédit qu'on pourra peut-être découvrir dans la semaine aussi. On a appris les deux morceaux, les deux titres tout à l'heure. Tu nous les as donnés. Oui. Le morceau Feuille d'automne. Et ainsi Balavida. Balavida, voilà. C'est ça. À découvrir prochainement. On va revenir dans quelques minutes. Bougez pas. Il y aura le freestyle par téléphone. Inscription 41759. Pareil pour la roulette. On revient dans un instant. Je vous passerai une nouveauté aussi. C'est Calvin Harris. T'aimes, toi, en tant que producteur, Calvin Harris? C'est plus électro, hein. Je trouve ça super. Il y a une réelle performance. Enfin, en tant que producteur, moi, je me régale quand j'écoute ses titres. Il a le seul rappeur qu'il a invité sur l'album. C'est un mec qui s'appelle Big Sean, que vous connaissez aussi, forcément. Et gros morceau, d'ailleurs, qui s'appelle Open Wide. On découvrira juste après la pub. Et on revient avec Indila. Bougez pas. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. Avec à l'instant le son de Calvin Harris, c'est Big Sean, Open Wide sur Skyrock, rap R&B. Le retour dans un instant, le son de Indila. Écoutez, à pas louper, on mettra quoi? Le SOS? C'est ça. SOS? C'est ça, exactement. Un petit retour sur l'album Mini World. Voilà. À pas louper dans un instant avec Indila. Et là, c'est l'heure du freestyle par téléphone avec MK de Lyon. Salut MK. Salut. Ça va bien MK? Ouais, ça va, et vous? Bah, en pleine forme, tu connais Indila? Ouais, je connais. Hein. Tu connais Skalpovic? Ouais. T'as besoin de prod? Ouais. Ah. Ok. On va te mettre en relation, ne t'inquiète pas MK. Pas de soucis, envoyez-moi du lourd. Très très lourd pour toi, et là on va t'envoyer du lourd aussi. Il va falloir rapper maintenant. On t'écoute MK, c'est parti? Ouais, pas de soucis. Session freestyle par téléphone, t'as une 30 pour tout déchirer. Ok, parfait, ok. Freestyle, M2T, écoute, parfait. Écoute. Pourquoi me parler d'un en deux coups, échec et match? Je voulais plaire à la madame quand j'étais petit, je rêvais de cabane. Maintenant je rêve de villa, m'envoler à Marbella, avoir une vie meilleure. Ouais, le rap ça vient du cœur. J'ai rien de plus que toi, t'as rien de plus que moi. Demande au poteau R comment se débrouiller. Embrouille, patrouille, menottes, embrouille. Les petites salopes me tournent autour, en bas des tours, on tourne en rond comme des vautours. La drogue, le sexe, l'argent, le seul objectif c'est de rendre fière la maman. Si tu cherches la demeure, j'appelle une équipe de vaillants. La street m'a mis une claque aussi gênante, aussi chiante. J'ai pas par où commencer, que de la haine, pas de peine. Un cœur en pierre, plus de force pour s'épauler. Plus que d'air pour t'égarer, y'a qu'Allah qui peut t'aider. Et la daronne parfumée. Et la daronne parfumée. Voilà. Ok MK, court, rapide, efficace. Bravo MK de Lyon. Merci. On peut faire des petits big ups. Vas-y, et puis dis-nous. Gros big up à Grig, vroom vroom. Mecha, ma frangine Sarah, Dounia, Lydia, Max, Jess, toute la poste. Allez cliquer sur la page M2T, on dort pas, yaïaï, ça arrive. Eh ben ok, donc vas-y, je vais te demander aussi de nous filer des adresses internet, mais c'est la page M2. M2T pour aller te suivre, ok MK. Ouais. Eh ben merci à toi mon pote. Merci, pas de soucis, gros big up à vous et merci, bonne fin de soirée. Merci à toi. Ciao. MK, une fois qu'il a rappé, il était... Italie Blaze, sortez c'est bien. Exactement. Bon, c'est, ça fait plaisir. C'est le Planet Rap avec Indila entre 20h et 21h sur Skyrock. T'as vu, il y a des Dreamers qui nous ont rejoints. Ah oui, une belle équipe partout. De Dreamers. Une belle équipe de Dreamers. Sourire aux lèvres, toujours. Dans le studio. T'as dû en rencontrer pas mal ces derniers temps en même temps. Ouais, pas mal, pas mal. Parce qu'ils sont nombreux à te suivre, un peu partout. Mais c'est vraiment incroyable ce moment parce que, enfin, j'entendais à l'époque parler de la magie des fans, etc. Je pouvais qu'imaginer. Et aujourd'hui, en ayant côtoyé ça de près, en ayant connu moi-même ça, je peux dire que vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bon, et puis, le public, il va de très très jeune à très très vieux. Absolument. C'est vraiment, oui, c'est vraiment du 360 degrés. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est magnifique. Donc, c'est très familial. Et moi, ce qui m'épate vraiment, même si je sais bien que les fans sont des personnes qui vous prodiguent de l'amour, mais parfois de manière peut-être éphémère. Mmh. Je sais très bien que c'est pas quelque chose qui dure forcément, parce qu'à un moment donné, on peut faire quelque chose qui déçoit, etc. Mmh. Mais en ayant conscience malgré tout ça, je me dis surtout que ce qui compte, c'est que à ce moment-là précis où je les rencontre, c'est de l'amour sincère. C'est de l'amour sincère tout de suite. Donc je prends ça, et je peux vous dire que c'est juste, c'est extraordinaire. Bon, je me souviens quand t'avais reçu d'ailleurs au mois de février pour l'album, pour la sortie de l'album. Oui. T'étais pas non plus forcément à fond sur les réseaux sociaux. Du tout. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'en l'espace de quelques mois, ça a changé? Non, mais je me fais un peu tirer sur les oreilles, moi, vraiment, c'est une catastrophe. Je communique que de temps en temps, que quand je pense que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire, etc. Mais pour rester tout à fait honnête envers mes fans, je signe toujours Indila si c'est moi qui interviens sur... Ouais, parce que parfois, c'est pas forcément toi qui envoie des messages. Oui, et on essaye de pas faire l'amalgame. Alors, les personnes qui interviennent, l'équipe, etc., qui communiquent autour de mon Facebook, essayent de faire en sorte que les gens comprennent bien que c'est pas moi qui écris à ce moment-là. C'est comme Barack Obama. Ah bon ? T'es trop forte. C'est pas vrai. Quand c'est lui qui tweet un truc, il met, je crois, BO ou Barack, je sais pas ici. Barack Adama. Aussi, pareil. D'accord, je savais pas. Bah, ouais, voilà. C'est lui qui a copié sur moi. Oui, je pense. Ouais. Évidemment, attends. Il a vu qu'il avait besoin d'un soutien, qu'il avait besoin de dreamers. Absolument. Lui aussi, comme tous les politiciens, il a besoin de dreamers. Mais tout le monde a besoin de rêver. Bon, donc ouais, toi, c'est vrai que si on te suit, on sera pas emmerdé par genre, tiens, mon petit déj, c'est ça, c'est machin, tiens, non, j'ai non, bouffé ça coup. Ce midi, tiens, ouais, ce soir, machin. C'est pas mon truc. Pourquoi pas, hein, il y a des personnes à qui ce genre de choses intéresse, mais c'est vrai que c'est pas trop mon truc à moi, ouais. Scalp. Moi, c'est la même chose. Hein. Bon, tu signes aussi Skalpovic ou pas? Ah non, par contre, non. C'est j'ai pas encore la chance d'avoir toute cette équipe autour de moi qui peut tweeter à ma place. Mais bon, il y a. Moi, le contenu, il est clair, hein, c'est du son. Donc voilà, je le répands sur les projets des artistes. Et c'est tout ce que je cherche. Voilà, partager la musique. Tu te souviens du dernier message que toi t'as mis ou pas? Que t'as signé Indila? Oui. Oui, sauf erreur de ma part, le dernier message en route, c'était pour remercier les fans sur Facebook parce qu'ils ont dépassé le seuil des 3 millions de personnes sur Facebook. Et donc j'avais écrit un message pour leur dire merci. D'accord. Ouais. Bah, peut-être qu'avec un peu de chance, t'en mettras un en disant cette semaine je suis dans Planète Rap. Ah oui, effectivement. On sait jamais. Faut appeler le pack. On guettera. Le pack, si tu nous entends. Si tu peux signer Indila, ça serait sympa. D'accord. Bon, en attendant, t'es là tous les soirs entre 20 et 21. On met le SOS. Oui, très bien. SOS. Très bien. L'image de SOS qui te vient en tête là tout de suite. La bouteille à la mer, mourir pour renaître, mais toujours pour renaître, toujours. Toujours de l'espoir dans les chansons. Allez, Indila, extrait de Mini World, ça ressort le 17 novembre avec des titres inédits dessus. Ok. Fallait que je m'en aille, je n'étais plus moi. Je suis tombée tellement bas que plus personne ne me voit. J'ai sombré dans l'anonymat, combattu le vide et le froid, le froid. Oh, SOS à l'instant, extrait de Mini World avec Indila toute la semaine dans Planète Rap, la réédition de l'album. Alors on m'a transmis une info dans l'oreillette, la précommande est disponible. Très bien. À partir de maintenant, donc on peut y aller si vous voulez récupérer avant tout le monde l'album. Le bal est ouvert. Ça pourrait être un nom d'un de tes morceaux, tiens. Oui, c'est jeunesse. Non, c'est vrai que t'aimes bien ces genres de formules, de phrases. Oui, je sais. Mélange pas. De nouveautés, de côté ancien. Trucs bizarres. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire autrement. Ce sera un truc avec un mot chips ou quelque chose. Non, mais le bal est ouvert, c'est très bien. Le bal est ouvert, c'est parfait. Donc, le bal, en effet, est ouvert. On peut cliquer. Ça marche. En précommande, l'album d'Indila, Mini World, la réédition de l'album, avec des titres inédits qu'on pourra peut-être découvrir cette semaine, ce qui est réel, pas. Évidemment. J'ai travaillé encore toute la semaine. Ah, là, j'ai une personne de la maison de disques là qui me fixe un peu comme un cowboy. Non, mais Alexis, c'est bon. On sait s'en occuper. Ouais. On va l'envoyer deux, trois rappeurs. Ouais. Alexis, c'est déjà géré. Après, c'est avec toi, Scal. Non, mais il n'y a pas de souci. On viendra avec des surprises, ça, c'est sûr. Très bien. Cette semaine, on aura grand plaisir. Peut-être le droit à quelques surprises. C'est ça. Des lives, peut-être aussi. Ben j'espère bien. Ah bah oui. Tu vas chanter cette semaine? Oui, je crois que je vais me faire plaisir. Je vais chanter. D'accord. J'ai vraiment envie de chanter. Peut-être avec des musiciens aussi, qui sait? Peut-être, ouais, peut-être. Hein, on va essayer, on va se débrouiller. Ça, c'est quelque chose auquel tu penses justement sur la tournée, c'est quoi? Tu l'imagines plus avec des musiciens, avec... Oui, moi j'adore en fait toutes les versions acoustiques. J'aime bien quand je sens vraiment les instruments. Puis parfois, c'est vraiment selon l'humeur, à d'autres moments, un bon PBO, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. Bon, en attendant la tournée d'Indila, il y a toujours l'album Mini World, la réédition de l'album. Avant de se quitter, on va mettre un dernier morceau. Ça, c'est le morceau qui nous a accompagnés tout l'été. Ah. Le run run. Alors, souvenir du run run. Mais oui. Soit en enregistrement, soit en... Soit comment il est né, soit... D'une petite gimmick. Un espèce de cocorico qui a été mis en musique. Non, mais c'est parti d'une petite gimmick. Je joins un petit gimmick à la guitare et elle a aussitôt rebondi sur ce gimmick qui fait. Voilà. Et moi, juste ça, c'est parti. Quelle pureté, putain, il y a des mecs qui sont en train de bouffer, le verre a pété. Ils sont en train d'écouter le Planète Rap, le truc a pété. Ouais, c'était drôle. Mais c'est souvent comme ça, ça part d'un petit rien et puis après, on s'amuse. Ça va bon, et puis avec des paroles dans l'air du temps, parce que c'est vrai que tout le monde court. Mais oui, tout le monde court après du vent, souvent. Et on pense que c'est ce que je dis souvent, on pense courir après le bonheur, on pense que c'est quelque chose qui s'attrape, qui s'atteint. Mais on se rend pas compte que le bonheur, finalement, même si on peut vivre des moments difficiles, et je pense que tous, on a connu à échelle différente des moments difficiles dans nos vies respectives, le bonheur, c'est quelque chose qu'on traverse, c'est quelque chose qui est en nous. Il suffit simplement d'accepter ce qu'on a déjà. Il suffit de se rendre compte qu'on est aimé par les gens, qu'on peut aimer. Rien que ça, déjà, ça suffit. Il y a tellement de raisons, finalement, d'être heureux, mais c'est une question de vision de vie. Et pendant tous ces derniers mois, où justement, pour le coup, c'était la course un petit peu pour toi? Oui, là, j'ai run runné. Oui, oui. T'as pas mal runné. J'ai ça. T'as réussi quand même à te poser des moments pour... Est-ce que t'as écrit, d'ailleurs, pendant toute cette période, depuis la sortie de l'album? Alors, en dehors des deux inédits, ouais, j'ai pu faire vraiment par bonheur. J'étais très contente parce que j'y tenais vraiment. En dehors de ça, j'ai surtout composé des mélodies. C'est surtout des mélodies. Mélodies, ouais, qui te venaient en tête. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui sont nés d'ailleurs à l'étranger, justement, comme t'as pas mal voyagé aussi. Bah, les deux inédits, justement, en question, ils sont nés à l'étranger. Ah, ils sont nés à l'étranger. Et oui, ils sont pas français, ceux-là. Ils sont pas français. Ils sont nés où? Alors, je laisse Cal te dire. Il y en a un qui est né en Turquie, ouais, et un au Maroc. Donc, voilà. C'est pas mal. Oui. On va essayer de faire des petits run-run un petit peu partout. Voilà, partout. En Pologne prochainement, peut-être. Qui sait, en Roumanie, pourquoi pas. Oui. Voilà. Donc, ouais, y en a qui sont nés en voyage, en fait. Absolument. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça, c'est vraiment cet imprévu. C'est cette magie comme ça dans l'air qu'on attrape quand il faut, au bon moment. Bon, celui-ci était né en studio ici en France, à Paris. C'était juste avant la sortie de l'album Mini World. Le titre Run Run, on se le réécoute maintenant et puis on fait tourner la roulette après. Inscription 41-759. Mais de lui What you run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Tu run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Je ferme les yeux et je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Y'aura ce que je veux et je serai tranquille. Je ferai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Indila de retour cette semaine, quelques mois après la sortie de l'album. Un album qui t'a emmené faire le tour du monde. Mini World qui est devenu Big World. Big World, ouais. Et puis la réédition 17 novembre, en précommande dès maintenant, on peut y aller, on peut cliquer pour récupérer Indila, Mini World, la réédition. On découvrira cette semaine des morceaux, il y aura du live avec toi aussi entre 20 et 21 cette semaine. C'est ça. Et on passera certainement aussi le Run Run, le truc qui est bien présent cet été, ce morceau. Oui, oui, apparemment, t'avais des tendances... À mettre de l'huile. Oui, oui. Il y a un budget huile, cette... on voulait commencer comme ça. C'est vrai que c'est le premier mot qui est venu. Puis c'était aussi un petit big up aux chansons à l'ancienne. Réglisse. Ah, Réglisse, bah oui, il y avait Réglisse qui était un groupe toulousain, si je dis pas de bêtises, ou du sud, dans le sud. Ouais. Ouais, le groupe Réglisse, ouais, c'était vraiment le clin d'œil pour. On aime bien faire les clins d'œil, je trouve ça amusant, et puis c'est une manière un peu de se rappeler faire son perdurer. Enfance. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu te rappelles des petits souvenirs quand t'es toute petite. Toute petite, mais oui, toujours nostalgique de tout ça. Ouais, je sais. Je dis souvent que les souvenirs d'enfance sont les plus précieux. Plus c'est ancien, plus c'est précieux. C'est vrai? Très bien. Ça dépend. D'accord. J'ai vu ton ton solennel, je pense qu'on partage pas le même avis là-dessus. Ça dépend. Okay. Bon allez, on va faire tourner la roulette maintenant, c'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. Salut Océane. Salut. À Villeurbanne, comment ça va Océane? Ça va et toi? Bienvenue dans le mini world d'Indila toute la semaine. Merci. De rien. Tu es prête à faire tourner la roulette? Eh ben, je te présente Indila, ouais. Déjà, Océane. Bonjour Océane, bonsoir, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui. Je veux dire, les deux, t'es où? T'es à la maison? T'as repris le bahut, toi, Océane? Oui, je suis aujourd'hui. Allez, un petit peu de détente. Fais-nous un beau stop. Ah, c'est pas mal. C'est énervant. Tu reprends les cours aujourd'hui, t'as envie de. Faut que tu te lâches, quoi. Eh ben, Océane. Qui va aller voir Black M en concert grâce à Skyrock? C'est super, merci. Il y a deux places pour toi, grosse tournée, hein, Black M, il est un peu partout dans toute la France. Merci beaucoup. Et ben, il y a deux places pour toi, Océane. Merci, je fais une dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, dédicace à Brian, à Lito, à Tatiana, à Inès, à Anita, à Jenna et à tous ceux qui me reconnaissent. Et à tout le monde. On te fait des bisous, Océane. Voilà. Bisous, Océane. Merci, bisous. Passe une bonne soirée. Merci, Ndila, pour cette première soirée. Mais merci à toi, Fred. C'est le toujours, retour dans Planète Rap. Toujours aussi agréable. Merci aussi, j'en profite, à Elvis27000 qui nous a offert de beaux dessins à travers l'écran. Là, ah oui, on a fait des photos, ouais. Oui. Ah bah tiens, regardez, il y en a une autre qui arrive là. Voilà, des trucs vachement sympas. Voilà. Bon bah écoute, c'est arrivé à bon port et j'ai vraiment apprécié. Merci à toi. Elvis, on a l'impression qu'il a peint chez lui, qu'il t'a peint chez lui, regarde. Hey, on dirait qu'il avait monté d'un escalier. C'est vrai ? Momo, filme ça, là. Dépêche-toi, Momo. Tant qu'il se réveille, Momo, on en a pour 3 secondes. Mais ouais, on a l'impression que c'est, tu vois, qu'il a peint ça à la maison. C'est génial. C'est génial, mais je crois que t'as pas tout à fait tort. Ouais. Bravo, Elvis, c'est en tout cas. On a bien vu tes photos d'Indilac. Enfin, tes photos, les photos. Les peintures, ouais. Les peintures d'Indilac. Ok, Momo, c'est trop tard. Laisse tomber. Ah, c'est lundi, hein, Momo. Il est cuit comme moi. Momo Scalp, demain de retour, tous avec, les deux. Hein. Avec très grand plaisir. La Dream Team. Toujours. Et Indila avec Mini World aussi entre 20 et 21. Allez, on va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe. Et oui, Indila qui est encore plus belle en vrai. Ah, oh, ça c'est gentil. Je ça. T'ai vu, je t'ai vu sur. Je t'ai vu. Bah oui, à travers les vitres, oui, c'est ça. C'est ça que tu cherchais comme mot, D-Fool. Non, sur Dailymotion, je t'ai regardé. Ah, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Indila, ça fait plaisir de t'en retrouver toute la semaine. C'est ton Planète Rap. Merci. Et ben, demain soir, on sera de retour avec Fredo, Indila, le couple, on peut le dire, de la semaine. Oui, c'est ça. Pourquoi pas. Toute la semaine. Vous êtes élu couple de la semaine. Allez, c'est parti. C'est parti. Merci, D-Fool. De rien, Fredo, de rien. Bon, à demain, Indila. À gros demain, bisous à toi. Oui, avec grand plaisir. Au revoir. Et ben, au revoir. Salut. Et puis là, bonjour, nous, parce que c'est parti jusqu'à minuit. On vous attend en direct. Content de vous retrouver en direct tout au long de la soirée. Toute l'équipe est là. Tout le monde va bien. Eh ouais, on est là. Ouais, tout le monde va bien. J'ai l'impression. Ben, c'est parti avec un petit Sopra pour des. Oui, j'ai l'impression que tout le monde va bien. Ouais, j'ai l'impression. Petit Sopra pour cette soirée. Bah tiens, on démarre avec Cosmo et puis on vous attend en direct dès maintenant 01 53 40 30 20, vous nous appelez, les réseaux sociaux vous les faites péter, le 41 759 aussi, et puis Indila on la retrouve demain. Eh oui, bisous, oui. Fredo, bisous Indila, allez, bisous à vous et Radio Libre, c'est parti dans 10 minutes, à tout de suite.